Oui, on l'a. On l'a. On a le jingle qu'on va vous dévoiler pour la première fois, je crois, du son mystère. C'est pas la première fois. Ah non, c'est pas la première fois. Le son mystère. Le son mystère. C'est vrai qu'on l'a pas entendu souvent. Glouf. Non, et souvent on y parle dessus parce qu'on ne sait jamais quand il termine. Exactement, on ne sait jamais. Et on continue avec cette tradition. Donc c'est le moment du son mystère, chers auditeurs à la maison. On sait que vous êtes beaucoup ce dimanche de paix. Au moins 14. Merci de ne pas écouter la messe. Donc vous pouvez appeler au 078 244 57 54 pour deviner le son mystère proposé par Olga Kocherova. Et gagner les entrées pour les concerts de ce soir de Oren Ambarchi et la performance avec les haut-parleurs tournantes. Ouais. On est désolé, on n'a plus le programme sous les yeux. Bah, on écoute le son mystère. Voilà. C'est une des rares fois de la semaine où le son est reconnaissable. Est reconnaissable. Et est trouvable. Oui, moi je n'ai pas compris. Mais... Donc on a ce délai de 30 secondes ou minutes qu'on doit essayer de trouver le temps pour que les auditeurs ils entendent ce son à la maison et nous appellent. So maybe we have the pleasure to be with Oren Ambarchi et Nicolas Filt. They will be in a conversation in a few minutes, and maybe we will ask you if you have a suggestion about what is this mystery sound that we just heard. If you have an opinion without maybe giving the solution. It sounded good. It did, yeah. No, actually, I'm not quite sure. Yeah, I wasn't actually paying complete attention. I wasn't thinking that I would have to find a beat. Sorry, yeah, we didn't said that we will ask you this question. Also, we can have a, je sais pas comment dire en anglais, un indice. Olga gave us a suggestion. A suggestion, thank you. So yeah. Maybe we can listen to her. Ah, okay. She gave us a suggestion. Okay, let's listen in Olga. Voilà, je vous donne le premier indice. Il s'agit d'un son de provenance animale. Sacré okay. Indice. It's an animals. Merci, Olga. Wolf Julius. Stab in the dark. Ah. Simon, okay. Do you have an idea? Yes. Yeah? You but know? I think with the suggestion, it's too easy. It's too easy. Okay. Yeah. No, not too easy, but... Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui est too easy? Frog, no? It's a frog? Okay. Frog or crapaud. Crapaud, yeah. Uh-huh. Yeah. Okay, I think... I don't know, I don't have the answer. Ok, bon, personne n'appelle. Chers auditeurs, c'est la dernière possibilité pour gagner des tickets d'entrée pour les concerts de ce soir avant la fin du festival. Sinon, on va la donner à Simon. Je crois qu'on va la donner à Simon. Bravo. Alors, les sons que vous venez d'entendre, ce sont les crapauds accoucheurs enregistré à proximité d'un lac de montagne dans le massif de Bargy en Haute-Savoie. Voilà, donc bravo. La deuxième réponse était la correcte. Simon, tu es invité ce soir comme tous les soirs au concert de Oren Ambarchi.